Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Des Indes à l'Inde, les avatars du nationalisme hindou. Nationalisme indien. Pourquoi s'intéresser à l'Inde en ce moment? Bon, parce qu'il s'agit de la plus grande démocratie du monde avec 1,3 milliard d'habitants, parce que les nationalistes au pouvoir et Narendra Modi à leur tête soufflent sur les braises et que des émeutes secouent le pays. Aussi parce que nous nous souvenons qu'il y a 90 ans, le 12 mars 1930, la marche du sel conduit le Mahatma Gandhi sur les traces d'une grande manifestation sans violente, une étape essentielle sur la route qui mène à l'Inde à l'indépendance en 1947. Et puis aussi parce qu'en cette période d'épidémie, il est sage de recevoir des historiens, des historiennes qui connaissent les traditions indiennes et notamment le namasté. Mais si vous savez, le salut des Indiens, les mains jointes devant le visage, mais sans contact, voilà, mieux que les coups de coude, les coups de talon, mieux que la révérence aussi, le namasté, signe de respect, de politesse. Oui, cela est parfait. Toute la semaine, nous nous sommes salués, mais sans nous toucher. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, des Indes à l'Inde, les avatars du nationalisme, nous avons évoqué l'empire moghol, mais qui veut la peau du Taj Mahal? Et puis nous avons aussi parlé des origines du nationalisme hindou, une construction, une idéologie qui naît à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et hier, nous avons parlé d'Indira Gandhi, en se posant la question de savoir si, avec Indira Gandhi, la démocratie était en marche ou ralentie. Nous en avons parlé avec Catherine Clément et aujourd'hui, nous allons évoquer le Cachemire, la déchirure originelle. Nous allons en parler avec vous, Charlotte Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du programme Asie du Sud au sein du collectif de chercheurs Noria, c'est un centre de recherche indépendant, hein, c'est bien ça. Vous avez fait une thèse à Sciences Politiques Paris, Sciences Po. Alors c'est sur les conséquences des pogroms anti-musulmans. Tout à fait, qui ont eu lieu en 2002 au Gujarat, dans l'état du Gujarat. L'association du mot pogrom et de l'Inde étonne, mais en fait, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je n'emploie pas ce terme dans mon travail de thèse et ensuite dans l'ouvrage que j'ai sorti sur cette thèse. Je n'emploie pas du tout le terme de pogrom de façon fallacieuse, mais le pogrom qui définit en fait l'attaque sur une minorité en raison de la religion, de la race, de l'identité primordiale, ce qu'on appelle, de cette minorité, avec la complicité active ou passive des autorités. Et c'est pour ça que j'ai conclu que c'est ce qui s'était passé en 2002. Enfin, j'ai conclu sur la base de rapports d'enquête, d'organisations indépendantes, qu'en 2002, dans l'état du Gujarat, qui à l'époque était gouverné par le premier ministre actuel, Narendra Modi, ont eu lieu des pogroms qui ont donné lieu à la mort d'à peu près 2000 musulmans et 150 000 déplacés internes, qui aujourd'hui vivent toujours, d'ailleurs, pour certains, dans des camps de réfugiés. Charlotte Thomas, cet ouvrage, hein, c'est Pogroms et ghettos, les musulmans dans l'Inde contemporaine. Pour parler aujourd'hui du cas Cachemire, parce que cette région est fascinante, parce qu'elle est dans notre imaginaire. Quand nous évoquons Cachemire, nous imaginons évidemment des tissus, mais il y a aussi cette région déchirée. Anne Castin sera avec nous, chargée de recherche au CNRS, pour avoir une lecture du Cachemire à travers la littérature. Mais pour le moment, je vous propose de faire un petit tour au Cachemire dans une vision assez particulière, celle que proposait la radio-télévision française en 1959. Vous allez voir, la beauté du Cachemire est enchanteresse. La beauté du Cachemire est enchanteresse comme celle du lotus. Une vallée de rêves, jaillissante de couleurs, débordante de la libéralité de la nature. C'est dans cette contrée, nichée au creux des Himalayas qui la dominent, que vinrent les rois d'antan, désireux d'échapper à la chaleur étouffante des plaines desséchées de l'Inde. Au cœur de la vallée, inondée par l'éclat de l'été, se trouvent les magnifiques jardins mongols. Ils offrent leur fraîche retraite aux visiteurs venus des plaines. Au bord du célèbre lac d'Almisha, ce jardin d'agrément composé de 10 terrasses. C'est l'émission Voyage sans passeport en 1959 qui évoque la beauté du Cachemire, une beauté enchanteresse. Charlotte Thomas, avant tout, il faut situer les choses. Où sommes-nous avec le Cachemire ? Alors, au Cachemire, nous sommes à l'extrême nord de l'Inde, enfin de l'Inde et du Pakistan, à la frontière, un état frontalier entre les deux, qui est aussi bordé par la Chine tout au-dessus. Et effectivement, en fait, on est dans un territoire qui s'appelle ce qu'on appelle aujourd'hui le Jammu et Cachemire, on parle aujourd'hui de la partie indienne, mais avant 1947, donc à peu près 12 ans avant l'extrait que vous venez de passer, le Cachemire était un état princier qui en fait était dans l'empire indien, enfin dans l'empire britannique des Indes, et qui était un territoire qui, au moment de la partition, a fait l'objet d'un premier conflit entre le futur Pakistan et la future Inde, et qui a été divisé en 1949 autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la LOC, la Line of Control, qui est de fait une frontière, mais qui est héritée d'un conflit, qui a fait d'ailleurs trois autres conflits par la suite. Et donc c'est un territoire partagé entre deux États, où il y a également une population à majorité musulmane qui vit et qui est rattachée, dont une partie est rattachée à l'Inde. Oui, c'est la question majeure avec ce Cachemire. Nous sommes donc au nord-ouest de l'Inde, et avec aussi cette frontière avec le Pakistan. Mais oublions, soyons avant 1947, soyons avant la partition. Mm-hmm. C'est vrai que nous sommes dans ce territoire qui n'est pas loin de l'Afghanistan, oui, qui n'est pas loin de la Chine, et qui a comme particularité d'avoir une population majoritairement musulmane. Mais ceux qui la dirigent peuvent être hindous. Tout à fait, avec une petite... Voilà, c'est exactement, c'est-à-dire que en 1846, me semble-t-il, cet état princier, en fait, est passé sous la direction la régence de la dynastie des Dogra, donc des souverains hindous, qui en plus n'étaient pas cachemiris, ce qui, je fais une petite insert, mais donnera souvent l'impression aux cachemiris d'être gouvernés par des dirigeants extérieurs, puisque les Dogra n'étaient pas cachemiris. Et donc, c'est la spécificité de cet état, c'est aussi pour ça qu'il y aura un conflit en 47, parce que cet état à majorité musulmane est gouverné par un souverain hindou, et que en plus au sein de cette architecture, il y a plusieurs sortes entre guillemets ethniquement différentes musulmans, et les musulmans cachemiris sont ceux qui se perçoivent comme les plus discriminés dans leur accès aux ressources économiques, dans leur accès aux ressources politiques. Donc très tôt, en fait, dès les années la fin du 19e et vers les années 30 également, il va y avoir des mouvements en fait de demande de plus de liberté, de reconnaissance d'une identité cachemiri et de droits en fait pour les cachemiris au sein de cet État. Voilà, c'est quelque chose à souligner, de dire qu'avant déjà la partition, il y a des identités qui sont en conflit dans ce Cachemire, dans ce territoire. C'est un territoire important, territoire riche aussi. Hein. Tout à fait. Et juste pour préciser, on parle d'hindous musulmans, mais ce qui est important de retenir aussi, c'est que au-delà de cette codification ethnique qui aujourd'hui est très pertinente, à l'époque, il y avait aussi une question en fait de joug économique, d'accès aux ressources, pour pas trop cristalliser des identités primordiales, parce que je crois que c'est un peu un problème contemporain. Donc pour rappeler vraiment une dimension politique et économique à ces luttes. Et effectivement, le Cachemire est un État très riche, au sens où c'est le seul État en fait avec un climat un petit peu tempéré au regard du reste de l'Inde. Donc sur les cultures vivrières, il y a toute une catégorie de cultures qu'on trouve nulle part en Inde, c'est-à-dire des pommiers, des vergers, des noix, beaucoup de produits. Et il y a également aussi toutes les eaux de l'Himalaya qui passent par le Cachemire. Et qui, alors là, je fais un saut dans le temps parce qu'on repasse après la partition, mais le partage des eaux des Himalayas, on fait l'objet d'un traité entre l'Inde et le Pakistan, parce que ces eaux permettent d'alimenter en électricité le nord de l'Inde et une partie du Pakistan également. Donc effectivement, au-delà des enjeux territoriaux, ce territoire est adossé à des ressources qui font l'objet, comme depuis tout temps, d'âpres conflits entre plusieurs puissances. Oui. Effectivement, le regard que nous portons aujourd'hui sur les conflits sont baignés des problèmes contemporains, en l'occurrence des problèmes d'identité ou de religion. Mais par le passé, au Cachemire, les conflits étaient déjà liés à des identités et à des religions, mais il y avait déjà des enjeux économiques majeurs. Et en 1947, au moment, même avant la partition, au moment des discussions sur cet État musulman qui va être créé là-bas, au Nord, eh bien, les actualités françaises, c'était le 20 novembre 1947, étaient intriguées par ce qui se passait aux Indes. Trouble aux Indes. Le Cachemire, peuplé de musulmans, s'est révolté contre son rattachement à l'Hindoustan. À l'aide d'une garde nationale mobilisée sur place, grâce également au secours des troupes hindoues auxquelles il avait fait appel, et venu par avion au-dessus de l'Himalaya, son souverain, l'émir Abdullah, a repris possession de sa capitale, Srinagar, après de sanglants combats. La lutte en de nombreux points continue. Devant les troupes Sikhs, Les musulmans en déroute poursuivent une lutte de guérilla. Dans l'Inde, divisée par sa discorde essentielle, le problème du partage du Cachemire est désormais un nouveau problème posé. Certes, aujourd'hui, Srinagar, la capitale, et d'autres villes, hier théâtre de combat, sont redevenues calmes, mais le drame continue à couver. Le drame continue à couver dans les actualités françaises le 20 novembre 1947, quand il est question de la guerre au Cachemire. Charlotte Thomas, dites-nous, il y a tout un discours ici avec un vocabulaire qui nous paraît désuet. Il est question d'Hindoustan, de Srinagar, il y a quelque chose d'extrêmement exotique avec ce Cachemire. Mais soyons dans la peau de ces gens de 1947. Nous savons aujourd'hui qu'il y a la partition, nous voyons comment ont été tracées les frontières. En 1947, il y a un flou énorme, c'est-à-dire que le Cachemire sera peut-être du côté pakistanais, peut-être du côté indien, peut-être partagé, on ne sait pas encore très bien. Oui, tout à fait. Et puis juste un petit mot, je pense qu'il y a aussi un effet d'orientalisme de l'époque, parce que par exemple, quand le commentateur parle des combattants hindous de l'Inde, je pense qu'il voulait dire indien en fait, parce que bon, mais donc cela rajoute un petit peu de cachet. Mais effectivement, en fait, en 47, il y a alors le cas des États princiers se pose pour plusieurs États au sein, en Inde, dans la future Inde indépendante. Mais le cas du Cachemire est effectivement, problématique, pose question à l'époque, puisque comme l'explique le journaliste, il y a donc ce souverain à l'époque, Hari Singh, qui en fait initialement voulait l'indépendance, lui, pour son état princier. Il s'aperçoit vite que ça va pas être possible et que ça va pas être tenable. Sauf qu'entre temps, il y a des soulèvements de population au Cachemire, au Jammu et Cachemire. Des guerriers en fait arrivent des zones tribales du Pakistan, donc du coup redispose un petit peu les cartes, et c'est à ce moment-là où survient l'extrait qui vient d'être diffusé, puisque assiégé, Hari Singh appelle les troupes indiennes de l'Inde indépendante qui vient de se faire, de Nehru, et l'Inde accepte d'intervenir à condition que Hari Singh se positionne en faveur du rattachement à l'Inde. Alors qu'il y a quand même une résolution qui a été déposée au Conseil des Nations Unies, qui date d'avril 48, la résolution 47, et qui dispose en fait que normalement un plébiscite, ce qu'on appelle un plébiscite, mais un référendum d'autodétermination doit être tenu au Cachemire, au Cachemire, donc les deux parties, et qui propose en fait aux habitants le rattachement ou bien à l'Inde ou bien au Pakistan. Mais ce référendum ne s'est jamais tenu, et aujourd'hui, pour faire éclairer les dynamiques contemporaines, aujourd'hui, cette idée de référendum qui a été volé à la population est souvent brandi, mais est aussi un peu déformé, parce que la population, enfin en tout cas ceux qui parlent de ce référendum, considèrent, en fait, évoquent l'option de l'indépendance aujourd'hui, qui n'est pas du tout contenue dans ces choix d'avant. Mais effectivement, en fait, cette cristallisation historique qu'on retrouve aussi avec la Palestine, qui est aussi un des plus vieux combats, un des plus vieux dossiers des Nations Unies, la cristallisation de ce référendum qui n'a jamais été tenu est quelque chose qui est réactivé continuellement aujourd'hui dans les combats politiques contemporains du Cachemire indien d'aujourd'hui. Ouais. Ce qui s'est passé au Cachemire en 1947 a un écho contemporain. Exactement. Sans cesse. Charlotte Thomas, nous entendons bien qu'en 1947, au moment de l'indépendance de l'Inde, il y a trois options. L'indépendance du Cachemire, très vite oubliée, la partition. Mais nous sommes sur des tensions locales au Cachemire et je vous écoute, vous expliquez qu'il y a des gens qui viennent du Pakistan, qui viennent des zones tribales et qui arrivent jusqu'au Cachemire, qu'il y a envoyé par le gouvernement indien des soldats, des militaires indiens, hindous, qui arrivent au Cachemire. On sent bien qu'il y a ici une dimension qui passe du local au national, et vous avez évoqué les Nations Unies, voire à l'international. Tout à fait. Alors un mot quand même pour être très clair sur l'indépendance. L'indépendance n'a jamais été, à mon sens, envisagé, et au sens des historiens qui ont travaillé là-dessus, parce que je rappelle que je suis politiste, n'a jamais été envisagé, tout simplement parce que c'était le souhait de la population. Or, les deux puissances qui sont tout de suite rentrées en jeu, que ce soit le Pakistan, l'Inde, n'étaient pas du tout d'accord avec cette option. Mais effectivement, en fait, on cristallise deux identités nationalistes, entre guillemets, pour reprendre en plus le thème, je pense que c'est fait exprès, des émissions de cette semaine. C'est-à-dire que le Pakistan se forme comme une république islamique. Donc, de facto, ce territoire à majorité musulmane est considéré comme appartenant naturellement au Pakistan. De l'autre côté, pour caricaturer, on a une Inde qui se dispose comme séculariste, dont je rappelle que le premier ministre Jawaharlal Nehru est lui-même d'origine cachemirie, donc c'est un territoire était un très proche de Sheikh Abdullah, celui qui a appelé Émir Abdullah dans l'extrait, et que donc pour l'Inde indépendante, avoir est séculariste, qui donc ne veut absolument pas adosser la citoyenneté à une religion, il est crucial aussi d'un point de vue symbolique d'avoir ce territoire à majorité musulmane qui trouve complètement sa place dans une architecture fédérale séculariste et qui qui ne voit pas les religions comme discriminantes dans l'accès à la citoyenneté. Et la question des religions est pourtant essentielle sur cette question du Cachemire. Dès 1947, vous allez voir encore une fois les actualités françaises, le 18 septembre 1947, le problème indien qui prend une nouvelle acuité, cette fois avec les Sikhs. Le problème indien prend une nouvelle acuité. Le départ des Anglais n'a pas arrêté les troubles, loin de là. Dans le Punjab, annexé au Pakistan, les Sikhs brahmanistes fuient pour tenter de gagner l'Hindoustan. La querelle des religions se règle maintenant dans le sang. Depuis le 15 août, date de l'indépendance indienne, on compte dans le Punjab 120 000 morts dans les massacres. Des trains de fuyards sont arrivés uniquement peuplés de cadavres. On fuit la mort et la mort poursuit les fuyards. Liberté de l'Inde, comme tu te fais payer cher. Les actualités françaises lyriques, le 18 septembre 1947, au moment de ces troubles, par les actualités françaises, ces troubles sont lus comme une guerre de religion. Oui, tout à fait. Mais là, je pense qu'effectivement, il y a une erreur, entre guillemets, puisqu'on ne refait pas l'histoire pour le coup. Et on voyait ça avec nos yeux de l'époque. Mais je pense qu'il y a une lecture très orientaliste et pour le coup aussi très occidentaliste des conflits. Parce que effectivement, les gens se reconnaissent comme des gens qui pratiquent l'islam, l'hindouisme ou la religion sikh. Mais jusqu'à vraiment l'éveil des nationalismes, et on est au début, début du XXe siècle, il y avait des conflits entre les gens, pour le dire vite. Mais ceci était adossé à des motifs politiques, économiques. Et nous, dessus, on plaque aussi notre lecture, comme les Britanniques au temps de l'Empire l'ont fait, d'ailleurs, pour diviser et mieux régner, comme divide and rule, comme le dit la phrase. Mais effectivement, c'est aussi plaquer des identités et renforcer des identités, pardon, pour aussi mieux gouverner. Parce que, par exemple, les Britanniques mettent en place des électorats séparés, donc qui reconnaissent de facto, mais comme les Français l'ont fait en Algérie, par exemple. Donc, il y a aussi cette façon de forcer sur l'identité qui, du coup, se retrouve et qui, en plus, est quelque chose dont les populations locales se sont aussi saisies, certains éléments, par le nationalisme hindou, cette codification très forte autour d'un hindouisme que je considère politique, puisque de cet hindouisme politique découle une identité très exclusive et une citoyenneté fermée aux autres religions. Mais effectivement, c'est aussi comme on a les choses. C'est vrai que nous avons consacré une émission à ce nationalisme hindou qui peut être réécouté sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr ou bien en balado-diffusion, le podcast, parce que le nationalisme hindou qui se met en place au début du XXe siècle et qui arrive et qui est aujourd'hui au pouvoir explique en grande partie l'histoire de l'Inde et du Cachemire. Le Cachemire est une zone complexe, tiraillée. Charlotte Thomas, les Britanniques sont essentiels pour expliquer les problèmes de la région. Quelle solution trouve-t-il au moment de l'indépendance pour régler la question du Cachemire? J'allais le dire un peu à leur porte-pièce, mais tracé un trait et ils sont partis. C'est un petit peu quand même ce qui s'est passé. C'est pour ça aussi qu'on a une appréhension très positive, entre guillemets, de la décolonisation à l'anglaise, parce que les troubles sont survenus, la partition est survenue après le départ des Anglais, mais ils n'ont pas réglé grand-chose de fait, là, pour le coup. Et en revanche aussi, je nuance, les Britanniques sont importants pour comprendre le conflit, mais après, les logiques locales indigènes se sont mises, se greffent à tout ça, et il n'y a pas juste la main extérieur, parce qu'aujourd'hui et depuis notamment le 5 août, le changement de statut du Cachemire, ce qui se passe aujourd'hui est lié aussi à une appréhension. Je me permets cette remarque parce que vous y avez allusion au nationalisme hindou par rapport au conflit au Cachemire. La suppression, par exemple, du statut spécial du Cachemire qui est survenu début août 2019, oui, pardon, est aussi lié en fait au fait que dans le nationalisme hindou, le fait justement que ce territoire ait une identité indépendante était quelque chose contre les fondements du nationalisme hindou qui considère la nation comme un tout organique. Donc là aussi, on retrouve à l'œuvre d'autres, les dynamiques contemporaines issues de l'histoire. Au moment de l'indépendance, le Cachemire donc a un statut particulier. Il a un statut particulier où il doit respecter, en fait, on va dire, les lois fédérales de politique étrangère et de défense. Mais ce statut particulier mis en place dans les années 1947, 48, 49 et 50 disparaît. Là, l'été dernier, en août 2019, où le Cachemire perd son statut indépendant, ce qui explique en fait notre intérêt aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture de regarder par le passé le gouvernement nationaliste hindou au pouvoir aujourd'hui, en fait, démonte ce qui a été fait dans les années 1950. Tout à fait, parce qu'en fait, ce statut, alors très très vite, qui a été adopté dans la Constitution 53, donc mis en œuvre dès 54, reconnaît en fait vraiment l'état du Jammu et Cachemire était l'état le plus autonome au sein de la fédération indienne, avec une autonomie politique et culturelle très importante. Pour aller très très vite, de facto, cette autonomie a été rognée quand même au fil des années, notamment depuis les années 90, donc sous un gouvernement congressiste et pas du tout nationaliste, avec la mise en œuvre de lois militaires, enfin martiales spéciales, considérées comme, enfin, dont le but était de maintenir la sécurité, je mets des guillemets qu'on ne voit pas là, mais je mets des guillemets, la sécurité du Jammu et Cachemire, mais qui passe par l'arbitraire militaire, très clairement. Là, il y a beaucoup de rapports, tout ça est très documenté. Et le 5 août, les nationalistes hindous, s'inscrivent dans cette trajectoire. Le 5 août 2019, le Premier ministre et également le ministre de l'Intérieur décident de supprimer cet article, comme je le disais, pour en fait intégrer de fin pleinement le Jammu et Cachemire à la fédération indienne, mais avec des gros bémols parce que, enfin, avec déjà avec une brutalité extrême parce que la classe politique locale n'avait pas été consultée à l'époque, enfin en août, alors que cette classe politique a gouverné avec le BJP, donc le parti au pouvoir actuel. Et puis là, on est donc en mars 2020. Les leaders politiques sont toujours tous assignés à résidence, dont notamment trois ministres en chef qui ont donc eu des responsabilités politiques de premier plan. Il y a toujours un blocage d'Internet, il n'y a pas de nouvelles, il y a un blocus économique qui est tel que aujourd'hui les chefs d'entreprise cachemiri achètent des pages dans les journaux pour dire, en fait, demander au gouvernement de faire quelque chose parce qu'ils vont vraiment mourir. En fait, il n'y a plus du tout de commerce, plus de tourisme, ni rien. Donc, il y a une trajectoire, il y a eu une façon de faire, et après, le BJP avait annoncé cette mesure dans son programme politique. C'est complètement en lien avec sa conception de la nation quand même hindouisée. Donc, voilà. Mais les nationalistes qui sont au pouvoir le sont depuis quelques années, quelques décennies. Charlotte Thomas, je simplifie l'histoire de l'Inde depuis l'indépendance. Au moment de l'indépendance, c'est le parti du Congrès, c'est celui de Gandhi, c'est celui de Nehru, qui est en fait, à ce moment-là, dans une volonté affichée de réconciliation, d'union. Tenez, je vous propose une archive étonnante. Elle doit dater de la fin de l'année 1947, peut-être du début de l'année 1948, en tout cas avant le 30 janvier 1948, au moment où Gandhi est assassiné, puisque, vous allez l'entendre, nous allons écouter la voix de Gandhi. Écoutez maintenant la voix de Gandhi. Le Mahatma s'exprime en hindoustani. Il était sur une estrade au milieu de la grande place de Delhi, devant la mosquée, la plus grande et l'une des plus belles du monde. C'était il y a quelques semaines, à l'heure des prières. Une foule innombrable de musulmans s'inclinait au nom d'Allah, toute entière tournée vers la Mecque. Tous les musulmans de Delhi étaient inquiets. Depuis que l'Angleterre avait cédé et que le Pakistan s'était séparé de l'Union indienne, de véritables guerres de religion mettaient aux prises musulmans, hindous et sikhs. Des massacres ensanglantèrent le Cachemire. Gandhi expliqua aux musulmans que le gouvernement indien de Delhi ne nourrit contre eux aucun mauvais sentiment et que les vexations étaient le fait de fonctionnaires subalternes. Il donnait des conseils pour résister efficacement, quoique sans violence. Quoique sans violence, une archive qui date de la fin de l'année 1947, peut-être de l'année 1948. Tout au début, Gandhi est assassiné le 30 janvier 1948. Charlotte Thomas, nous avons ici le discours de Gandhi qui parle aux musulmans en leur disant « il n'y a pas de risque, il y a quelques fonctionnaires ». Donc il y a toujours ce jeu d'échelle où l'on envoie au local les responsabilités, mais qu'au niveau de la nation indienne, de cette démocratie qui se met en place, il n'y a aucun risque. Quelle lecture avez-vous de la politique du parti du Congrès, donc toutes ces années, cette politique de Nehru, cette politique de sa fille Indira Gandhi, qui mêle différentes personnes, des religieux, notamment musulmans, qui arrivent, qui sont acceptés au gouvernement? Oui, enfin, si on parle du cas, par exemple, du Cachemire, alors moi, j'allais répondre sur un angle, j'allais dire quand même que en fait, ce qui se passe aujourd'hui est aussi le fruit d'une trajectoire politique mise en œuvre par le parti du Congrès, qui était omnipotent, enfin, et ça se voit d'ailleurs dans son incapacité totale aujourd'hui à se restructurer, à se réinventer, à proposer des choses nouvelles, parce qu'ils sont complètement, je pense, coupés de leur base et de leurs idées. Donc, pendant toutes ces années, effectivement, le gouvernement central du Congrès et la faction locale cachemiri, quoi, du parti du Congrès, a quand même œuvré à corrompre, à déstabiliser la classe politique, qui l'a bien voulu également, hein. Mais je pense l'article d'un collègue qui s'appelle « La chute de la démocratie » et qui fait référence aux élections de 1987, qui ont été en fait, qui sont un tournant absolu dans la trajectoire contemporaine du Cachemire, parce que ces élections ont été tellement truquées par le parti du Congrès central et local, parce qu'ils avaient peur justement qu'un parti musulman qui demandait la tenue du référendum auquel je faisais allusion tout à l'heure arrive avec des très bons scores, qu'ils ont bourré les urnes et qu'en fait ça a été le début, 2 ans après, de l'insurrection militaire, parce que beaucoup des anciens, des personnes qui s'étaient présentées à ces élections, voyant que la voie politique était fermée, ont pris le maquis, aidé en ça par le Pakistan, hein, qui était ravi de les accueillir et de les former pour déstabiliser l'ennemi de toujours. Mais effectivement, on voit que le Congrès a vraiment, enfin, s'est perdu en route, à mon sens. C'est une analyse plus personnelle, mais effectivement, qui s'est perdu en route et qui aujourd'hui, d'ailleurs, n'a rien à proposer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et qui est lui-même, en fait, marche sur les plates-bandes du BJP en faisant ce qu'on appelle soft hindutva, donc de l'hindouité douce. Et ce qu'on voit exactement aussi, parce que je trouve important de regarder l'Inde comme quelque chose de réflexif par rapport à ce qui se passe sous nos latitudes. Et quand on marche sur les territoires de l'extrême droite, en l'occurrence, les gens de l'extrême droite le font beaucoup mieux. Donc ça marche mieux en général. Et le Congrès, du coup, court derrière le BJP aujourd'hui. Et le BJP sera toujours en avant pour proposer des mesures nationalistes fortes en mettant les hindous avant tout le monde. C'est la loi récente qui a été déposée pour la nationalité, où voilà, les musulmans sont écartés de l'accès à la nationalité. Nous allons continuer de parler du Cachemire. Le Cachemire, cette déchirure originelle dans la question qui secoue l'Inde aujourd'hui, hein, de l'hindouïté des musulmans, de la place des musulmans dans ce pays, et puis concrètement pour la vie des gens, des émeutes, et en l'occurrence au Cachemire, ce qui nous intéresse, cette région qui est coupée du monde. Eh bien, je vous propose, nous, d'aller au Cachemire, mais à travers une voie, celle de Mayet Syed, qui est vraiment une voix du Cachemire. Elle est toute jeune, c'est de la musique soufie traditionnelle du Cachemire. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bulgravan, Thavakna Kantei, Vantei Lo, Bulgravan, Thavakna Kantei, Vantei Lo, Kalyavun. Bulgravan, Belgravan, Belgravan. De la musique soufie traditionnelle du Cachemire dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Père et Le Gras avec aujourd'hui à la technique Élise Le. Cette musique, cette chanson de Mehmet Sied qui vient du Cachemire, Charlotte Thomas. Tout de suite, si je vous dis que c'est une jeune femme qui chante cette musique-là, quelle analyse en faites-vous? Déjà, en plus, on est un jeudi et souvent les kawali, enfin les chants soufis, tout ça, s'écoutent le jeudi soir, donc on est complètement sur le bonjour déjà. C'était prévu. Je me doute tout à fait. Et ma première réflexion, c'est une femme qui chante, donc je pense que ça doit au Cachemire, donc je pense que ça doit pas être très très évident pour elle au sein de sa société là pour le coup cachemiri, parce qu'il y a aussi une fermeture, un petit peu une petite rigorisation de la société cachemiri. Et après, vis-à-vis du gouvernement, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent cette culture traditionnelle qui a droit de cité et qui est diffusée parce que c'est la culture un peu traditionnelle, inamovible de l'Inde, a fortiori soufi, etc. Mais il y a plusieurs chanteurs, notamment je pense à MC Cash, donc qui est un rappeur qui lui a des propos beaucoup plus durs sur l'occupation, enfin ce qu'il considère être l'occupation de l'armée indienne au Cachemire. Et ça, ces artistes-là sont beaucoup moins diffusés en Inde. Et beaucoup plus énervés. Voilà. En fait, donc, enfin, énervés à juste titre. À juste titre, effectivement. Pour poursuivre cette discussion autour du Cachemire, nous allons entendre Anne Castin. Est-ce que vous êtes avec nous, Anne Castin? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, vous êtes chargée de recherche au CNRS. Vous avez dirigé un ouvrage, hein, raconté la partition de l'Inde. C'était récemment, en 2019. Et puis un autre encore plus récent, Travestissement, performance culturelle du genre, aux presses universitaires de Provence. Dites-nous, Anne Castin, quel est votre objet d'étude? Raconter la partition de l'Inde. Alors, mon objet d'étude, d'abord, c'est la littérature. Donc, c'est pas l'histoire. Donc, d'ailleurs, je remercie beaucoup Charlotte de m'avoir énormément éclairée sur le Cachemire, que je connais très mal et dont je connais pas du tout ni la littérature ni l'histoire, étonnamment, puisque mon autre objet d'étude, c'est la partition de l'Inde, les événements de 47, mais surtout en fait les effets de ces événements sur la production culturelle de façon large et particulièrement sur la littérature. Comment en fait la partition a été racontée dans la littérature en 47, en 50, c'est-à-dire dès les lendemains de ce vaste traumatisme, ça a été appelé comme ça, mais aussi dans les années 70, quand les gens ont eu un petit peu le temps de se retourner et de revenir sur cette expérience, et même aujourd'hui, les descendants, les enfants, les petits-enfants des réfugiés, des victimes, qui continuent justement à raconter cette expérience. Donc je disais que je remerciais Charlotte parce que effectivement dans ces travaux qui ont été faits sur la partition de l'Inde depuis une trentaine d'années, alors des travaux, il y en a des dizaines voire des centaines sur tous les sujets, eh ben le Cachemire est complètement laissé de côté. Et c'est important déjà de souligner et de repérer ce qui est laissé de côté. Charlotte Thomas, vous trouvez que le Cachemire est laissé de côté dans les études? Alors là, nous parlons en partie de littérature, mais l'histoire peut être tout de suite mobilisée. Oui, bah tout d'abord, je remercie ma collègue pour ses gentils mots. Et effectivement, le Cachemire est laissé de côté au sens où en fait, il est souvent et presque essentiellement, mais également dans la littérature académique, hein, pas juste dans comme on la transmet, comme en fait le fruit d'un conflit entre deux pays, enfin je veux dire d'un trouble frontalier entre l'Inde et le Pakistan. Et du coup, en fait, il est relativement éclipsé parce que du coup, dans l'histoire de la partition, on parle de ça, d'accord, mais après, en fait, les dynamiques internes, ce qui s'est vraiment passé, pourquoi, comment, ça reste beaucoup plus nébuleux. Et ça témoigne aussi d'une appréhension très sécuritaire, entre guillemets, parfois, de cette région, alors qu'il se passe des vraies dynamiques autres, plus profondes. Et puis la manière de raconter la partition, de témoigner, de créer du roman, de la fiction, de la poésie, Anne Castin, montre des traits majeurs qui intéressent aussi pour comprendre ce moment de la partition. Dans votre étude, quels grands traits vous identifiez dans la littérature qui parle de cette partition? Alors, en fait, ça dépend là aussi, ça dépend de la période. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que la partition n'est pas simplement un moment, mais c'est ce qu'on a appelé une longue partition, c'est-à-dire un processus qui a duré plusieurs décennies et qui continue de durer. Donc les traits distinctifs, en fait, ils dépendent justement si cet événement a été raconté justement en 47-50 ou s'il a été raconté en 80 ou s'il a été raconté en 2019. Et justement, au niveau de la question nationaliste, je pense que ça peut intéresser une politologue comme Charlotte ou un historien, c'est que la perception de la question des tensions entre hindous et musulmans a été racontée très différemment en 47 et en 2019, ça c'est évidemment évident, mais aussi en 81. Donc on voit une véritable évolution dans la façon dont les Indiens eux-mêmes hindous comme musulmans, comme sikhs, évidemment, ont pu percevoir les tensions qui ont généré les centaines de milliers de morts et puis les millions de réfugiés qu'a généré la partition. C'est raconté de quelle manière, par exemple, en 1947, au moment où il y a alors des massacres, il y a au moment des émeutes, il y a des déplacements de population. À ce moment-là, comment est racontée la partition, Anne Castin? Alors à ce moment-là, je pense que beaucoup de gens, y compris les écrivains, ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Donc on avait, disons, un savoir académique, c'est-à-dire on savait que le pays était divisé, encore qu'on le savait pour les plus informés, on va dire, mais beaucoup d'auteurs ont montré que dans les villages, les gens ne savaient pas très bien où passer la frontière, parce que la frontière, elle a traversé. Alors je reprends un peu la formule de Charlotte qui était on trace un trait et on part. Bon, je pense que pour le Punjab, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il y avait des villages qui étaient vraiment, mixtes. Et du coup, il fallait savoir si ce village mixte serait au Pakistan ou en Inde. Mais en tout cas, le trait a été tracé et a laissé souvent les populations un petit peu dubitatives, ignorantes, de leur situation. Non, mais je vous en prie. Et surtout, nous allons essayer d'avoir un extrait direct de la forme que peut prendre dans la littérature l'évocation de cette partition. Avec, c'est vrai que c'est presque un genre littéraire, hein, c'est fiction autour de la partition. Un exemple avec un poème d'Amrita Pritam, un poème qui nous est lu aujourd'hui dans le cours de l'histoire par Camille André. J'invoque aujourd'hui Varisha, parle de n'importe où, de ta tombe et du livre de l'amour aujourd'hui, tourne encore une page. Une fille avait pleuré, une enfant du Punjab, et tu écrivis une élégie. Les filles sont aujourd'hui des milliers à pleurer qui te disent « Varisha, lève-toi, sympathisant des malheureux, lève-toi, regarde ton Punjab. Le marais est aujourd'hui jonché de cadavres et pleine de sang, la Chenab. Quelqu'un aux cinq rivières a mêlé du poison et la terre a été arrosée de leur eau. Du poison a germé dans chaque parcelle de cette terre fertile, qui s'est un peu partout couverte de taches rouges et de calamités. Un vent vénéneux alors a soufflé sur les forêts. De chaque flûte en roseau, il a fait un serpent. Et voici que les serpents ont hypnotisé les gens et mordu. En tout lieu, le corps du Punjab a bleui. Le sang s'était penché sur le sol, il s'écoule des tombes. Les princesses de l'amour pleurent dans les sanctuaires. J'invoque aujourd'hui Varisha. Parle de n'importe où, de ta tombe et du livre de l'amour aujourd'hui, tourne encore une page. J'invoque aujourd'hui Varisha, un poème d'Amrita Pritam qui nous est lu par Camille André. Dites-nous, Anne Castin, pourquoi ce poème peut être intéressant dans le regard que vous portez sur la manière de raconter la partition de l'Inde? Alors, déjà, merci de nous l'avoir fait entendre parce que c'est vraiment un poème magnifique. Alors, il est intéressant aussi parce que justement, il est écrit dans cette période post juste après la partition, et il témoigne bien de la stupeur de la population face à ce qui se passe, de cette population décomposée. En fait, ce qu'elle dit, Amrita Pritam, dans ce poème, c'est qu'elle ne comprend pas qu'un peuple soudé par une véritable histoire culturelle, et c'est pour ça qu'elle invoque ce grand poète Parisha, ce peuple soudé par des traditions communes soit d'un coup séparé et surtout s'entretue au point de faire de cette rivière mythique, la Tchénab, une rivière de sang. C'est un... Allez-y, Anne Castin. Et on dit qu'elle a écrit ce poème dans un train qui l'emmenait de Lahore, donc au Punjab, aujourd'hui pakistanais, jusqu'à Delhi, je pense, en Inde, complètement bouleversée par la situation. Et à travers ce poème, justement, elle a su, ce poème a été véritablement appris et récité par des Punjabis des deux côtés de la frontière. Et pour ça, c'est une véritable réussite. C'est une réussite d'entendre que la littérature fait renaître cette union qu'il pouvait y avoir entre des gens qui sont voisins, alors qu'ils n'ont pas la même religion. Charlotte Thomas, cette possibilité de dialogue, de vivre ensemble, est transmise par la littérature et puis par le quotidien des gens. Est-ce que vous analysez la situation de cette partition complexe par une instrumentalisation politique, mais qui vient d'ailleurs, si nous retournons au Cachemire, qui vient de New Delhi, du côté indien, et puis qui vient du Pakistan aussi. Mais disons que c'est une danse qui se danse à plusieurs. Enfin, je veux dire, c'est complexe. Il y a effectivement, il faut se prévaloir quand même d'une appréhension d'une stricte instrumentalisation, c'est-à-dire d'un pouvoir qui tomberait sur les gens et les gens ne sauraient pas s'en saisir. Les gens répondent à ça. Enfin, les gens, en plus, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va un peu vite. Mais non, c'est une intrication de dynamique, c'est-à-dire que des volontés et puis aussi des dessins politiques particuliers. Par exemple, Gina aussi, je ne suis pas historienne là pour le coup, mais Gina aussi avait un dessin politique propre quand il a aussi eu cette idée, enfin, mis en œuvre l'idée du Pakistan, et qui était aussi lié parce que ses propres demandes étaient niées au sein du Congrès. Donc en fait, l'histoire, c'est un mélange de plein de choses. Et il y a effectivement, encore une fois, des dynamiques macro-sociologiques qui rencontrent des aspirations micro-sociologiques pour produire quelque chose. Mais par exemple, pour illustrer plus clairement mon propos, quand le gouvernement indien, encore une fois, quelle que soit sa couleur politique, dit que les troubles qui se passent aujourd'hui au sens large, au Cachemire depuis les années 90, au Cachemire sont le fruit d'une jeunesse manipulée par le Pakistan uniquement et au chômage, ça colle pas, parce qu'en fait, les gens, même s'ils avaient une manipulation, un discours qui leur tombait dessus comme ça, idéologique du Pakistan, si eux-mêmes n'avaient pas des motifs pour rentrer dans le combat, il n'y aurait pas rencontre des deux. Donc c'est un subtil équilibre. Effectivement, il y a des directives, des fois les gens se retrouvent un peu écrasés par des projets politiques qui les dépassent, mais quand même, il y a une réinterprétation au niveau du sol, entre guillemets, comme on dit quand on fait du terrain, quoi. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une directive qui vient de New Delhi ou de Karachi que les gens vont se soulever, c'est parce qu'il y a une situation de tension encore présente. Anne Castin, ces échos dans la littérature ont été perçus dès le moment de leur parution, c'est-à-dire que l'on repérait déjà un ouvrage qui traitait de la partition et que c'était un genre où il faut le recul, qu'il faut un petit peu de distance temporelle pour percevoir qu'en fait cela transcende la littérature indienne depuis la partition, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors, le terme de genre, en fait, il est de fait utilisé depuis un petit moment, on va dire une ou deux décennies, pour parler de la littérature de la partition, et moi je l'utilise finalement en disant ça, mais il est aussi contesté parce que la partition, bon, ça vous l'avez assez dit, ça a été un événement majeur et traumatique de l'histoire de l'Inde, qui a accompagné aussi l'indépendance, et ça c'est quelque chose d'important, parce qu'en fait, il marque un petit peu l'échec de ce moment clé de l'histoire du XXe siècle en Inde. Et du coup, c'est normal que la littérature s'en empare. D'autant plus que l'histoire ne s'en est pas vraiment emparée. Il y a eu un espèce de blanc en fait dans l'histoire sur les comment dire les effets populaires de la partition jusqu'aux années 80-90 à peu près. Alors parler de genre, justement, il y a eu, comme je le disais, plusieurs époques. Il y a aussi plusieurs genres, hein, surtout le roman évidemment et la nouvelle surtout, mais aussi la poésie, le théâtre. Il y a aussi, on peut sortir de la littérature, hein, il y a la peinture, l'art plastique, le cinéma énormément, hein. Ritik Ghatak, c'est un cinéaste bengali qui a énormément produit, d'ailleurs qui n'a peut-être produit que sur la partition, même s'il n'en parle pas forcément directement. Donc oui, c'est à la fois un genre, parce que un genre qui a été pensé comme un genre a posteriori, et à la fois il y a une telle diversité des formes et des thématiques. Il y a des romans qui parlent dans les années 50 de quelque chose qui n'a rien à voir avec la partition, mais une lecture attentive montre qu'il ne parle que de la partition. On a des équivalents en Europe, hein, de toute évidence. Donc oui et non. Oui et non. Vous évoquez Anne Castin, Ritik Ghatak, comme un cinéaste qui fait partie de cet univers. Juste, mais pour le plaisir, un extrait, une chanson tirée de son film La rivière Shabarnareka. C'est en 1965. Anne Castin, Charlotte Thomas, merci beaucoup de nous avoir évoqué cet univers, celui du Cachemire, un univers à connaître. Nous allons faire un écho contemporain avec le Cachemire, Charlotte Thomas. Mais juste avant, je vous propose d'accueillir Amélie Perrault, qui assure aussi la programmation du cours de l'histoire. Amélie Perrault avec son journal de l'histoire. Bonjour Amélie. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors que les femmes continuent de se battre pour l'égalité, vous allez nous parler d'un documentaire de France 5 intitulé « Tu seras mère, ma fille ». Normandie, 1925. Léontine Gaudret s'apprête à recevoir la Légion d'honneur. Une fanfare, le maire, le préfet et le représentant du ministre sont là. Léontine reçoit la Légion d'honneur parce qu'elle a eu 19 enfants. Et c'est une affaire d'État. Georges Clemenceau l'a dit en présentant le traité de Versailles, si la France renonce aux familles nombreuses, la France sera perdue. Car vous aurez beau prendre tous les canons de l'Allemagne, il n'y aura plus de Français. Alors Léontine est un exemple. Et sur l'image filmée de 1925, elle sourit au milieu de ses 19 enfants. Longtemps, être femme, c'était être mère. Et longtemps, le ventre des femmes était une affaire d'hommes. C'est ainsi que s'ouvre ce documentaire de France 5, diffusé dimanche et visible jusqu'en mai, dont le principal intérêt est celui de montrer le temps long. Le temps très long, infini, des combats des femmes au XXe siècle pour disposer de leur corps, un corps longtemps pensé par des hommes. On suit des générations de femmes, la fille et la petite-fille de Léontine Gaudret, d'autres familles d'anonymes, de mère en fille. On traverse en archives les politiques familiales du XXe siècle. Dans les années 30, elles ne sont encore qu'une poignée de féministes à agiter des chaînes place de la Bastille. Elles demandent le droit de vote. Et leurs chaînes symbolisent, déjà, les chaînes de l'esclavage domestique. Un courageux sénateur leur conseille alors dans une lettre anonyme de faire des enfants. Vous remplirez bien mieux votre devoir de femme et de patriote qu'en voulant obtenir le vote féminin. Réponse. Les antiféministes prétendent qu'en accordant le droit de vote à la femme, on risque de l'avoir négligé son devoir familial. Pour les rassurer, plusieurs féministes militantes, parmi les plus notoires, ont offert à leurs détracteurs un succulent déjeuner préparé de leurs propres mains au restaurant du Salon des Arts Ménagers. Messieurs les sénateurs, si vous vous laissiez régaler d'une omelette comme celle-ci, vous accorderiez le droit de vote aux féministes, bonnes françaises et bonnes ménagères. On peut sourire aujourd'hui de la subversivité de cette omelette, mais le temps long du documentaire redit ce que les femmes d'aujourd'hui doivent à ces combattantes d'hier. La prise en compte des douleurs de l'accouchement, quand jusqu'aux années 50, les médecins soutenaient que les cris de douleur des femmes étaient un mal utile. La contraception et la fin des conditions sordides et dangereuses des avortements clandestins. La répartition plus équitable des tâches domestiques, combat toujours en cours, mais qui, dans les années 50, partait de loin. Je suis ravi que l'on mette au service de la femme des moyens si modernes de travailler, mais j'ai l'impression que malgré tout, voyez-vous, depuis des milliers d'années que l'on s'intéresse aux arts ménagers, l'outil le plus parfait, le seul outil qui ravaude, qui lave, qui épluche les pommes de terre, qui soigne les enfants et qui sourit à son mari, c'est la femme. Alors n'hésitez pas, achetez une femme. Il existe plusieurs modèles que nous serons heureux de vous présenter sur les grands boulevards et les grandes avenues de Paris. Achetez une femme, vous m'en direz des nouvelles. La mauvaise blague du journaliste Pierre Tchernia en dit presque autant que l'endroit dans lequel il l'a dit et qui, d'après la publicité, fait rêver les femmes, le salon des arts ménagers. En 1h30 de documentaire, impossible évidemment de tout dire sur un thème aussi vaste. Et si on peut regretter que la musique soit souvent trop présente, les archives, elles, sont très belles et montrent bien comment, après que des pionnières, puis des lois, aient ouvert la voie, c'est dans les foyers que se mènent des batailles plus souterraines, plus discrètes. C'est Madame Le Breton, 5 enfants, que ses voisines critiquent dans les années 50 parce qu'elle travaille 2 mois dans l'année. Ou une jeune fille à Roubaix, en 1972, qui lance chez elle à table des discussions sur la pilule. Enfin, après ce documentaire, on peut aller lire un article mis en ligne par le journal Le Monde le week-end dernier, un article de la fin du 19e siècle de la journaliste Séverine. Séverine, journaliste féministe et libertaire, défend en 1890 le droit à l'avortement, qui est, dit-elle déjà, un malheur, une fatalité, mais pas un crime. L'avortement est alors un crime contre la patrie, et Séverine écrit « Tant qu'il y aura de par le monde des bâtards et des affamés, le drapeau de Malthus, le drapeau taché de sang des infanticides avant la lettre, flottera sur ce troupeau d'Amazones rebelles qui, forcés par vos lois de tenir leurs seins arides, ont le droit de garder leurs flancs inféconds. » Toujours intéressant de retrouver et de relire Séverine. Merci beaucoup Amélie. Tu seras mère ma fille, c'est le titre du documentaire diffusé sur France 5. Tous les liens à retrouver ainsi que votre journal Amélie sur le site internet franceculture.fr. Charlotte Thomas, nous avons parlé aujourd'hui du Cachemire avec, comme toujours en histoire, un intérêt, comprendre le présent. Sauf que le présent au Cachemire aujourd'hui, pendant que nous parlons, est extrêmement violent. Le pays est coupé, en fait, il n'y a plus internet. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Oui, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'État, enfin ce qui était encore jusqu'au 5 août un État, dans l'institutionnel aujourd'hui est un territoire, mais est coupé, oui, du reste de l'Inde en fait par ses communications, enfin toutes les voies de communication, parce que le gouvernement en fait là pour le coup cherche à faire taire en fait les leaders politiques et surtout à ce qu'on ne sache pas ce qui se passe notamment en termes de mobilisation sur place. Et on parlait tout à l'heure, enfin à l'instant des femmes. Et il y a par exemple tous les vendredis depuis les années 90, des femmes qui se retrouvent au centre de Srinagar pour demander ce que sont devenus leurs époux, leurs maris et leurs hommes qui ont disparu depuis donc les années 90 dans le cadre du conflit. Et tout ça, le gouvernement actuel tend à l'invisibiliser et à le passer en sourdine. Voilà, donc il ne faut pas voir, il ne faut pas en parler. C'est pour ça, merci beaucoup Charlotte Thomas de nous en parler. Merci beaucoup Anne Castin pour vos deux regards sur l'Inde, sur le Cachemire. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Camille André, Aurore Juvenel. Demain, l'histoire de l'Iran au prisme persan. Et oui, comment cette histoire qui fait rêver les Perses, les Achéménides, a été instrumentalisée par le Shah, puis par les Mollahs.